8. Les capitulations du cœur. Marcel allait et venait dans les rues de Paris, sans but pour se diriger, sans yeux pour voir. Il passait sans y prendre garde à côté des plus beaux monuments. Tout entier à une seule pensée, il marchait, il courait, il s'arrêtait, il se remettait en marche, gesticulant, parlant haut, coudoyé à droite, coudoyant à gauche, persuadé qu'il s'éloignait de Thérèse. Et 20 fois se retrouvant, sans pouvoir se l'expliquer, à la porte de la maison de Clément. Enfin, il ne peut résister à cette force attractive qui l'entraîne malgré lui. Il monte l'escalier, se dit à chaque étage qu'il va redescendre, et continue de monter. Arrivé à la chambre de son cousin, il hésite encore. Se traite de lâche et frappe à la porte. Thérèse vient ouvrir. Il se précipite comme un fou dans l'intérieur. « C'est vous, Marcel ?»« Eh bien oui, c'est moi. » Il jette avec rage son képi sur la table. « Faut-il qu'un homme soit poule mouillée ?»« Sapristi, sapristi !» « Marcel, calmez-vous. »« Me calmer? Est-ce que je peux me calmer? Est-ce que je suis capable de quelque chose? J'avais juré de ne plus penser à vous. »« Ah bien oui. J'ai essayé de m'en aller. Bast. Vous voyez bien que me v'là de retour. Et je m'en irai encore, que ça serait tout de même. Je reviendrai toujours. » Thérèse le regarde en silence. Elle est trop émue pour pouvoir lui parler. « Tenez, reprend Marcel, voulez-vous savoir ce qui fait que je suis comme ça? Et pourquoi ne le seriez-vous point? Peut-être que ça me soulagera. » « Eh bien, c'est que j'ai sur le cœur les choses dures que je vous ai dites. J'ai été brutal, je vous ai parlé, comme on ne parlerait pas à la dernière de la dernière. »« Marcel, ce n'est pas que je n'en avais point le droit, car vous l'aviez bien mérité, mais c'est égal. »« Je me suis comporté comme un misérable, et je ne peux pas garder ce souvenir-là. Il me fait mal, il me suffoque. Dites-moi seulement que vous n'y pensez plus. Dites-moi que vous me pardonnez, Thérèse, ça me donnera peut-être la force de vous quitter pour ne plus vous revoir. »« Je vous pardonne sincèrement, Marcel. » Je n'ai vu dans la cruauté de vos reproches qu'une preuve de plus de l'affection que vous aviez pour moi. Puisse cette assurance vous tranquilliser. Merci, Thérèse. Et maintenant, ce qu'il y a de mieux pour tous deux, Marcel, c'est en effet que vous ne reveniez plus ici, que vous ne songiez pas plus à moi que si je n'existais point. Marcel reprend son képi et fait quelques pas vers la porte, mais se retournant tout à coup. Plus songer à vous, c'est impossible. Thérèse joint les mains comme pour le supplier de ne point prolonger une scène au-dessus de ses forces. « Non, jamais, s'écrie-t-il avec l'accent du désespoir. Jamais je ne pourrais me faire à l'idée que Thérèse est perdue pour moi. Thérèse que j'ai tant aimée, que j'aime encore, que j'aimerai toujours. Je vous en conjure, ne parlez pas ainsi, Marcel. Vous m'ôteriez tout à fait le courage, qui m'est si nécessaire. » Mais au lieu de l'écouter, il repousse avec violence la porte qu'il vient d'entrouvrir. Il se jette sur une chaise, il se frappe le front des deux poings. « Non, non, non, c'est plus fort que moi. J'en deviendrai fou, j'en mourrai. » Puis il se lève. Il conduit sa cousine à la fenêtre, devant le ciel, comme pour la mettre en face de Dieu. « Je ne vous demande qu'une chose, Thérèse. Dites-moi, la main sur votre conscience, Marcel, je ne suis pas coupable. Ça me suffira. Ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu, je l'oublierai, je n'aurai foi qu'à vous, à vos paroles, et je vous dirai, retournez au pays, rentrez dans la maison de votre père, vous n'auriez jamais dû quitter. Lorsque mon temps sera fini, eh bien, j'irai vous retrouver, car mon cœur, à moi, ne changera pas. Allez. » Quand même je verrai les plus belles dames du monde et les mieux habillées. Alors, d'une voix étouffée, alors nous pourrons encore être heureux. » Des larmes de reconnaissance baignent les yeux de Thérèse. Brave cœur, et serrant la main de son cousin. « Ce que vous me demandez, Dieu sait que je puis le faire sans l'offenser. Oui, je puis, selon votre vœu, mettre la main sur ma conscience et vous dire « Ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu, tout cela n'est qu'un tissu de mensonges et de perfidie. Marcel, je ne suis point coupable. » Dieu du ciel, si pourtant elle disait vrai. Mais ce que vous m'offrez, je ne puis l'accepter, je le refuse. Que dites-vous, Thérèse? Je le refuse parce qu'il ne suffit point que votre femme ne soit point coupable. Il faut encore qu'elle n'en ait ni la réputation ni les apparences. Je le refuse parce qu'il serait lâche à moi d'exposer un honnête homme à rougir de m'avoir donné son nom. Je vous remercie, Marcel. Je me souviendrai toute la vie de l'offre généreuse que vous m'avez faite. Mais encore une fois, je ne puis être, je ne serai jamais votre femme. Marcel est anéanti. Ce que lui dit Thérèse, il se l'est dit lui-même. L'amour, il est vrai, vient de l'emporter un moment, mais la voix de la raison n'a point cessé pour cela de se faire entendre, et Thérèse lui prête une nouvelle force en y joignant la sienne. De cette lutte sans issue, il ne pouvait naître que le découragement, le désespoir. Aussi, à la vue de Clément qui rentre, Marcel s'empresse-t-il d'aller au-devant de lui. « Si tu as de l'affection pour moi, cousin, accorde-moi la grâce que je vais te demander. » « Une grâce ? Je n'ai rien à te refuser, Marcel. Eh bien, cède-moi ta place. Quelle place veux-tu que je te cède ? Tu es utile dans le monde, toi. Tu as un père et une mère qui se sont mis dans la gêne pour toi et à qui il faut que tu fasses du bien. Tu as une sœur qui a besoin que tu la protèges. Au lieu que moi, je n'ai plus rien. Je ne suis plus bon à rien. Qu'à me faire tuer. Si ce n'est aujourd'hui, ce sera demain. Si ce n'est par l'un, ce sera par l'autre. Qu'il soit bédouin ou russe, n'importe, pourvu que ça finisse. Eh bien, laisse-moi me battre avec Monsieur Dorvaux. S'il me tue, ça couronnera la chose, et je ne souffrirai plus. Si la chance est contre lui, ça reculera ma délivrance. Mais en attendant une autre occasion, j'aurai du moins la consolation de m'être vengé. D'avoir vengé Thérèse. Thérèse renonce à la vengeance. Qu'oses-tu dire, après ce qui s'est passé? Tu vas prêcher la paix, toi, son frère? Sapristi. Après ça, tu ne sais point ce que c'est. Tu n'es point militaire. Clément a raison, dit Thérèse. Ce n'est pas à nous, c'est à Dieu, de punir celui qui nous a fait du mal. Tu ne m'as pas compris, sœur. Si j'ai dit que tu renonçais à être vengée, c'est parce qu'une réparation vaut mieux qu'une vengeance. Une réparation. La seule réelle, la seule acceptable. Allons, Thérèse, sèche tes pleurs et redresse la tête. Le monde, qui n'a que des dédains pour les victimes de la séduction ou de la calomnie, saura bien trouver des égards et du respect pour l'épouse de M. Dorvaux. Qu'entends-je, moi, la femme de M. Fulgence ? Ce n'est pas possible, dit Marcel. Non, mon frère, cela n'est pas possible, répéta Thérèse. Épouser un lâche, un calomniateur, un homme qui n'a de droit qu'à ma haine et à mon mépris, jamais. Jamais, appuie Marcel. Ah, Thérèse, vous ne savez pas tout le bien que vous me faites. Je te comprends, chère sœur, et je suis loin de blâmer ce mouvement de juste orgueil auquel je m'attendais. Mais écoute-moi, et ensuite, je refuse de recevoir ta réponse avant que tu aies pris le temps de réfléchir. Clément fait alors le récit de son entrevue avec M. Dorvaux et Fulgence. Thérèse écoute avec recueillement. Marcel se livre à une pantomime mêlée d'exclamations qui témoigne d'un mécontentement de plus en plus marqué. À peine Clément a-t-il cessé de parler que Marcel s'écrie. « Voilà une drôle d'idée. Eh bien, je t'en fais pas mon compliment. Jolie réparation qu'un pareil mariage. Monsieur à Paris, vivant dans les plaisirs, dans la joie, dans l'opulence, madame à 100 lieues, au fond d'un village, dans la tristesse, dans la misère, dans la solitude, comme une répudiée. Sans compter que s'il plaît à monsieur d'aller trouver madame, ou d'appeler madame auprès de lui, il faudra que madame y aille, ou que madame le reçoive. C'est la loi. » Et tu appelles ça une réparation? Je dis, moi, que c'est un surcroît de honte. Non, non, Clément, tu n'avais plus ta tête quand cette idée-là t'est venue à l'esprit. Je te le répète avec Thérèse, qui était de mon avis tout à l'heure, ce mariage-là n'est pas possible. Thérèse, plongée dans la rêverie, n'a paru donner aucune attention aux paroles de son cousin. Réveillée tout à coup, c'est à lui qu'elle s'adresse. Voulez-vous me faire une promesse, Marcel? Oh, répond-il avec exaltation, demandez, exigez, commandez. Ce que je sois le dernier des gredins si je ne vous obéis pas. Je compte sur votre parole. Elle se retourne vers Clément. C'est chez M. Dorvaux demain, dans la soirée, que doit être signé le contrat? Oui, Thérèse. J'y serai. Tu acceptes? À une condition, que M. Dorvaux voudra bien accepter à son tour. Cette condition, la voici. Toutes les personnes qui ont été présentes à l'insulte assisteront à la réparation. Marcel, qui d'abord est resté muet de stupéfaction, se lève comme un furieux. Je n'y assisterai point, moi. Thérèse, avec une douceur mêlée de fermeté, qui donne à son regard et à sa voix une puissance irrésistible, lui dit « J'ai votre parole de m'obéir. Vous y assisterez, Marcel. »